franceinter.com. Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Nous revoilà. C'est la panique en direct du Mangin Palace, épisode 203. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, selon le grégorien, le dimanche 2 mai 2010, 11h06. Bonjour à toi, l'ami! Alors, avant tout cette semaine, tu as conscience que le berceau de la civilisation européenne est sacrément malmené. On commence donc par cette crise. La population grecque est désespérée, n'a plus personne vers qui se retourner, à part ses divinités. Non plus, non. Zeus ne pourra rien faire pour eux. Dieu ? Voici votre café, seigneur. Merci, pigeon. Non mais, c'est Zeus que vous appelez pigeon ? Oui, il me doit beaucoup, beaucoup d'argent. Et n'essayez pas d'appeler Poséidon, lui il fait la plonge pour Alma. Oui, ce matin l'ami tu redécouvres les absurdités du monde qui t'entoure. Ainsi, le Mangin Palace te propose d'organiser ici un beau barnum burlesque consacré aux actualités, manipulé par le prince du monde. Alors, chers amis, communions ensemble durant 53 minutes, au nom de l'allégresse, de l'extase potache et du jeu d'Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voici donc la liturgie de notre joyeux audiorama contre les assauts de la morosité. Eh bien, selon notre protocole, nous commencerons bien sûr par notre espiègle office freudien, durant lequel nous reviendrons ce matin sur quelques discours politiques du premier tiers de cette année 2010. Dans la foulée, nous embarquerons à bord de l'avion présidentiel qui s'est envolé pour Pékin mardi dernier. Ensuite, nous déambulerons clandestinement dans les sous-sols obscurs et sinueux de l'INA, où nos joyeux fantômes radiophoniques se sont lancés sur les traces d'Albert Londres, un périple journalistique que nous ausculterons ici d'une oreille nostalgique. Immédiatement après, direction Grosboul-les-Bains, où nous découvrirons les préparatifs des agriculteurs locaux pour la manif des tracteurs à Paris, mardi dernier. Et puis, nous enchaînerons avec le curieux dictionnaire imaginaire de notre facétieux reporter, et ce matin, nous t'offrirons la définition d'un acronyme au pluriel, les bobos. Et enfin, peu avant midi, afin de ne rien oublier de ces absurdes actualités, notre petit kiosque sévèrement fourni t'ouvrira ses portes pour une curieuse mais authentique revue de presse. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est sacrément bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique en direct du Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et plonge en eau trouble. Do I have to change my name? Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? That's why I wrote this song. This type of modern life, is it for me? This type of modern life, is it for free? So, I went into a bar, looking for sympathy, a little company. I tried to find a friend. It's more easily said, it's always been the same. This type of modern life, just a dream. American life. I tried to stay ahead. I tried to stay on top. I tried to play the part. but somehow I forgot just what I did it for and why I wanted more. This type of modern life, is it for me? Change my name. Will it get me far? Should I lose some weight? Am I gonna be a star? American life. American life. I live the American dream. American you dream. Are the best thing I've seen. You are not just Life. Ce fut en 2003, la vie outre-Atlantique, version Madonna, l'incessante provocatrice iconoclaste. Oui, en un sens. Mon art impressionne beaucoup par son côté vaginal. Les hommes en sont déstabilisés, le mot en lui-même les perturbe énormément. Vagin. Oui. Ils n'aiment pas l'entendre et le trouvent difficile à prononcer, alors que sans même battre des cils, ils parlent volontiers de leur bite, de leur dard ou encore de leur zézette. Bien, chacun réfléchira à ce qui vient d'être dit, mais avant tout, à 11h12, il est temps d'ouvrir ce 203e épisode de La Panique au Mangin Palace, où nos modestes péripéties laïques débutent comme il se doit par notre petite session freudienne en compagnie de Monsieur Divan Brugelet, qui, ce matin, en ce tout début mai, a décidé de revenir sur 4 discours politiques du premier tiers de cette année 2010. Car il est toujours intéressant de jeter un œil dans le rétroviseur, y compris dans un passé immédiat. Alors, en route, maestro, tends bien l'oreille, ainsi soit-il. Cette histoire est tirée de faits réels. Le dernier président français à être venu à Cholet. Cette histoire se passe il y a vraiment longtemps. C'était Charles de Gaulle. J'ai jamais rien vu de plus beau depuis le Tour de l'Ouest des cyclistes. En 65, c'est cette cité du Maine-et-Loire qui résiste bien au chômage qu'avait choisi Nicolas Sarkozy. Je crois vraiment que c'est dangereux, tu ne devrais pas y aller seul. Pour adresser ses vœux aux forces économiques, vœux qui se sont transformés à 2 mois et demi des régionales en un long bilan, on pourrait même dire un plaidoyer pro-domo. J'ai l'honneur et l'avantage d'annoncer la venue de notre sage et omnipotent leader, Zoltan. Zoltan. Voilà, mes chers compatriotes, je vous demande d'être confiants. Tu es sûr que tu veux diriger cette campagne? Nous savons ce qu'il faut faire pour faire partie du peloton de tête. Nous avons enrayé la chute de notre compétitivité. Je suis vraiment pas à l'aise avec ce terme. Nous allons renouer avec la croissance positive. Mais comment t'as fait pour trouver ça? Nous avons engagé des réformes de fonds considérables. Ah, bien sûr, oui, bien sûr, avec ça, l'affaire est un sac. Pour que l'économie française se modernise. On a vu les résultats. Au suivant. Et commençons par le PS, qui avait donné rendez-vous aux militants et sympathisants hier soir au Cirque d'Hiver à Paris. 1700 personnes pour un appel à la mobilisation générale au rassemblement de la gauche. Non, c'est bon. Pas de triomphalisme, ou alors juste un petit peu. Tout le monde nous parle de 2012, mais moi je pense à ceux pour lesquels je me suis engagé en politique. Ce qui se passe dans la tête de ces gens-là. Entre 2010 et 2012, il y a tous ces gamins qui vont perdre confiance en la République. Il y a tous ces salariés qui vont être licenciés parce qu'on ne fait rien. Alors qu'est-ce que vous foutez? Je crois que notre fierté, eh ben, c'est celle de porter les vraies valeurs de la France. On dirait qu'il y a beaucoup de monde sur cette affaire. Celle qui nous a engagés en politique. Et je dois dire qu'on rigole bien. Celle qui fait qu'il faut jamais oublier ceux qui nous ont fait confiance. C'est cela l'enjeu du 14 mars. Oui, je m'en serais douté. Et les Français, vous le verrez, seront avec nous. Et lorsque cela sera fait, nous pourrons fièrement nous lever et dire « Je suis bien ». Merci. Vous pouvez me passer l'élément numéro 2 qui est derrière le bar, s'il vous plaît ? Dominique de Villepin a donc été relaxé dans l'affaire Clearstream et l'on sent percer sous la voix de l'ex-premier ministre un sentiment de contentement mêlé de fierté et de revanche. Préparez-vous à sourire. Je n'ai aucune rancœur, aucune rancune. Vous avez de la chance que je sois un homme du monde. Je veux tourner la page. Ouais, mais il faudrait peut-être pas pousser le bouchon trop loin. Hein. J'ai été blessé par l'image que l'on a voulu donner de la politique. Parce que j'ai été pris une fois, on n'aura pas deux. Et c'est vers l'avenir que je veux me tourner, pour servir les Français. Hey, bon, merci pour l'information. Salut. Est-ce qu'il vous reste de la place pour le dessert ? Ségolène Royal est apparue rayonnante, réélue avec plus de 60% des suffrages. Mais comment tu t'y es pris ? Tu les as hypnotisés ? J'accueille ce magnifique résultat avec une profonde gratitude. C'est trop mignon ! Profitons-en vite. Il nous appartient désormais de faire en sorte que cette victoire ne soit pas la victoire d'un camp. Indubitablement. Mais qu'elle soit la victoire pour tout le pays. C'est arrivé à Louis Armstrong quand il a dit qu'il allait s'envoler par la Lune. Si Neil Armstrong a bel et bien décroché la Lune, c'est carrément l'empire du milieu qu'a voulu séduire cette semaine Nicolas Sarkozy. Ainsi, mardi dernier, la délégation officielle française s'est envolée pour Pékin avec une flopée de courtisans sacrément fournis puisqu'il y avait là 5 ministres, plusieurs parlementaires, dont Xavier Bertrand et Jean-Pierre Raffarin, mais aussi de nombreuses personnalités, dont quelques patrons à l'affût de fructueux contrats. Néanmoins, il y avait une absente de marque, pourtant coutumière jusqu'à présent des voyages présidentiels, Rachida Dati, qui d'ailleurs a évoqué ce déplacement chinois avec Brice Hortefeux lors d'un déjeuner à Paris en début de semaine. Et le Pékinois, toujours dans les tongs, prêt à partir ? Arrête de l'appeler Pékinois. De quoi, c'est affectueux ? Et puis il part bien à Pékin. Oui. Alors je peux bien l'appeler le Pékinois ? Si tu veux. Et oui, Rachida Dati ne décolère pas après sa mise à l'écart de la maison Sarkozy. Toujours est-il que le Pékinois, donc, s'est pointé à l'aéroport du Bourget mardi en fin d'après-midi où son équipage l'attendait à bord de l'avion présidentiel direction la Chine. Bienvenue à bord, monsieur le président. Ah, Danny, comment ça va ? Monsieur le président. Monsieur le président. Bah, William. Change de plan de vol, Danny. Cap sur la Barbade, d'accord ? Comme vous voudrez, c'est vous le président. Non, si je m'écoutais. Nous décollons dans moins d'une demi-heure, monsieur le président. Monsieur le président. Laissez-moi un petit quart d'heure. Réunissez l'état-major. Monsieur le Président ? Il faut parler stratégie. Modérez l'impact de cette politique. Oh. Laissez-moi seul une minute, si je vous trouve, entre guillemets, un homme de confiance. Non, laissez-moi seul une minute, je s'en suffis. Je dis un homme de confiance qui pourrait éclaircir vos propos. Ça suffit. Soir, pour laissez tomber. Pour... Laissez tomber. Les jeux sont faits, c'est décidé. Il a besoin de rester un moment tout seul. Ah. Oh. Vous êtes là ? Une seconde ! D'accord, mais surtout, ne vous servez pas des toilettes. Hein ? La chasse d'eau ne fonctionne pas. Non, je me rasais, ça fait rien. Bien, il est vrai qu'en ce moment, M. Sarkozy connaît quelques angoisses, notamment avec cette mystérieuse affaire de sous-marins et de rétro-commission pakistanaise. Enfin bon, le temps de régler ce petit tracas en cabine, les quelques invités privilèges ont pris place dans l'avion, et notamment Jean-Louis Borloo, monsieur Cocktail, qui a immédiatement réclamé une collation à l'hôtesse de l'air, sans oublier bien sûr de lui faire un numéro de séduction. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être une hôtesse de l'air. Toute ma vie, j'ai rêvé de voir le bas d'en haut. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir des talons hauts. Toute ma vie, j'ai rêvé d'avoir les... Évidemment, devant ces jeunes et belles demoiselles en uniforme, Jean-Louis Borloo, comme tous les autres passagers de ce voyage présidentiel, était chaud comme la braise, jusqu'à ce qu'intervienne le commandant de bord juste avant le décollage pour Pékin. Mesdames et messieurs, bonjour, ici votre commandant qui vous parle. Ladies and gentlemen, this is Captain Hill speaking. Ce message s'adresse à ces messieurs, message to the Marines. Inutile de fantasmer sur les hôtesses qui vous sourient puisqu'elles travaillent simplement, elles sont polies. Don't be impressionné, ne croyez pas, don't cry that they embrace you. No. Pas la peine, elles n'ont rien à foutre de vos gueules, they are no interest of your face, your sale face, the merde of passengers. Elles travaillent, they work, ok? Et il y en a une d'entre elles qui est ma femme, la chef de la cabine. PNC aux portes, armement des toboggans, connardos, le passager. Eh oui, y compris dans l'avion présidentiel, la polygamie est interdite. Duralex, Sedlex, il n'y a pas de raison. Faudrait pas qu'un ministre de la République soit déchu de sa nationalité française. Et puis, dans la foulée du décollage, le personnel navigant, bien sûr, s'est lancé dans les traditionnelles démonstrations de sécurité. Cela dit, Xavier Bertrand, assis à côté de Jean-Pierre Raffarin, n'était franchement pas convaincu, d'autant qu'il avait repéré que Jean-Pierre Elkabbach, lui aussi du voyage, était installé devant l'issue de secours principal. Ridicule. Aucun cas d'amérissage réussi dans toute l'histoire de l'aviation civile. Il continue à te montrer comment on met un gilet de sauvetage. Il faudrait vraiment qu'il nous file des parachutes, je te le dis. Mademoiselle. Monsieur. Le monsieur là-bas a pris la sortie de secours principal. Oui. Est-ce que vous pensez réellement, vu son grand âge, qu'il va être capable de déverrouiller l'issue de secours en cas d'évacuation? Non, parce que dans votre règlement, il est précisé que les places à proximité des issues de secours principales et secondaires doivent être réservées en priorité à des personnes capables d'effectuer correctement les manœuvres d'ouverture, au risque de ne pas pouvoir sortir de l'avion, de bloquer les autres passagers ou de les empêcher de sortir. Article 80. Mais monsieur... Il n'y a pas de mais. Alors dites-moi si vous pensez sérieusement que ce vieillard sénile va être capable, dans la panique la plus totale, de déverrouiller l'issue de secours à côté de laquelle il est assis. Bon, allez me chercher le chef de cabine. Effrayé par l'agitation de Xavier Bertrand, son voisin de voyage, au passage on se demande bien pourquoi le secrétaire général de l'UMP était là d'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin fut soudain pris d'une réelle crise d'angoisse quant au risque d'un transport aérien. A tel point, figure-toi, que Jean-Pierre Raffarin fut très préoccupé par les gilets de sauvetage notamment. C'est sûr que j'en ai un aussi, moi. Tout le monde en a un. Veuillez suivre attentivement la démonstration qui vous est faite. Vous regardez pas, puis après si ça tombe, vous ne saurez pas le faire. Des fois, parce que... en tirant fortement sur les cordons qui passent à l'intérieur. Seulement, quelle nécessité, monsieur? Non, mais j'essaye. Moi aussi, j'ai peur en avion. Ah bon? Pas tant que moi. Comme ça, j'en prends deux et je dors pendant tout le voyage. Ah, ben j'en ai mon 6, alors. Mmh. Merci. Vous en avez peut-être pris un peu beaucoup. Ah bon? En effet... 10 minutes plus tard, grâce aux pilules magiques de Christine Lagarde, Jean-Pierre Raffarin s'est écroulé entre sommeil et coma, comme tout le reste de l'avion d'ailleurs, puisqu'il fallait maintenant se taper 11 heures de vol jusqu'à Pékin. Cependant, 2 heures avant l'atterrissage, Frédéric Mitterrand, lui aussi du voyage en Chine, décida de se rapprocher du couple présidentiel afin d'offrir à Carla et Nicolas, en vue du dîner officiel avec le président Hu Jintao, quelques éléments essentiels de la culture traditionnelle pékinoise. Cao Liang, le sauveur de Pékin. Sous la dynastie Ming, le général Liu Bowen faisait construire de hautes murailles autour de Pékin. Lorsqu'un beau jour, toutes les sources de la ville se tarirent. Autrefois, vivaient à cet endroit le roi des dragons et son épouse. Et c'était eux qui avaient tari les sources pour se venger. Alors, l'idée d'aller combattre un couple de dragons terrorisait tous les soldats, sauf un. Cao Liang, qui se porta volontaire. Le général lui expliqua sa mission, filait vers le nord-est et trouvait un couple de vieillards qui n'étaient autres que les dragons déguisés. Sa mission consistait à transpercer de sa lance 2 grosses cuves pleines d'eau que les vieillards tiraient sur leur charrette. Bien évidemment, ça allait rendre furieux les dragons. Sa mission accomplie, il fallait qu'il chevauche à bride abattue en direction de Pékin et surtout, qu'il ne se retourne pas avant d'avoir compté 100 pas. Je vous ennuie là, non? Non, mais c'est passionnant au contraire. Ouais. Enfin bon, au grand désespoir de Frédéric Mitterrand, tout le monde n'a pas la passion des civilisations anciennes comme l'avait chevillé au corps président Chirac. D'autant que l'exposé pékinois de Frédéric Mitterrand fut très rapidement interrompu car le pilote de l'Airbus français venait d'annoncer à Nicolas Sarkozy que l'avion de Barack Obama, Air Force One, était en vol à proximité et que s'il le désirait, M. Sarkozy pouvait entrer en communication avec le président américain. Que veux-tu ? Le naturel reprend toujours le dessus. Et soudain, Frédéric Mitterrand fut très inquiet quant à ses 3 jours de voyage officiel en Chine, contrée millénaire de la délicatesse et de la discrétion. T'as maté un peu mon avion? Oh, Mr. Sarkozy, t'as encore ton vieil Air Force One, toi? Moi, j'ai refait complètement le mien, hein. M'attends pas par le hublot. Kit carrosserie, pharyngealized, béquet arrière, jambes bébé 100 pouces, je te dis pas le prix, c'est indécent. 30 000 euros la jambe. C'est les as du tuning qui sont mis sur mon avion. Il en jette, hein? Bon? Alors, à l'intérieur, je te dis pas. Très joli. C'est Jean Croco, fontaine à champagne, jacuzzi en or, y a même un mini court de tennis. Alors? Je sais plus quoi dire, hein? Non, j'avoue, vous êtes étonnant. Il est bizarre, non? Bon, vous savez, moi j'ai travaillé avec Bush pendant 8 ans, alors j'en ai vu d'autres. She said, I love you, boy, I love you so. She said, I love you, baby, oh. In the jury, the same thing that I said to the cops on the day that I got arrested. I'm innocent, I protested. She just feels rejected. Had a heart broken by someone she's obsessed with. Cause she likes the sound of my music. She makes her a fan of my music. So why love goes down, makes her lose it. Cause she can't separate the man from the music. And I'm saying all this in the stand. When my girl cries tears in the gallery, this has got bigger than I ever could have planned. Said. Voilà ce que nous offre sur son nouvel album l'esprit rappeur britannique connu sous le nom de Plan B, alors que de notre côté de la Manche, le Plan B, c'est plutôt celui d'un esprit rieur. Voilà le Plan B. Alors on vous a dit, il y a un Plan B. Mais naturellement, ce Plan B, c'est une blague. Il n'existe pas. Alors maintenant, après nous être envoyés en l'air dans l'avion présidentiel, il est temps désormais à 11h28 d'ouvrir notre curieuse séquence consacrée aux informations du lointain. Et ce matin, le lointain nous emmène à Londres, et plus précisément à Albert Londres, puisque demain sera remis le 72e prix qui porte le nom de cette grande figure du journalisme, dont les reportages furent entre autres à l'origine de la fermeture du bagne de Cayenne ou au fer de lance de la dénonciation de la colonisation et de l'exploitation de la terre d'ébène. Évidemment, les voix de la radiodiffusion française ne sont pas restées indifférentes à l'Albert Londres attitude. Ainsi, écoute ce que nous rapporte à ce propos notre Bernard l'Ermite, planqué dans sa boîte d'archives au cœur des sous-sols obscurs et sinueux de l'INA. Tends bien l'oreille et découvre ici la vie parallèle de l'Institut National de l'Audiovisuel. Des révélations, des hypothèses. Un Bernard l'Ermite. Qui demande la parole ? Cette semaine, à l'INA, on mourait d'envie d'avoir le prix Albert Londres. Alors, on est allé bourlinguer du côté de Vichy, où il est né, en 1884. Et là, on est tombé sur Denise Aju, qui justement l'avait vu. Alors, il paraît que vous avez rencontré et vu Albert Londres. Eh bien, oui, je l'ai connu étant tout enfant, parce que c'était un ami de mon père. Physiquement, il ressemblait à quoi ? Un monsieur grand qui en imposait. Il avait souvent une... comment appeler ça ? Une cravate. Une cape, une houppelande. Même pas le temps de boire un café. On est reparti, direction Cayenne, où Léon Nolfi, un ancien bagnard, nous attendait depuis 1923. Je savais pas qu'il s'appelait Albert Londres. C'est quand je l'ai causé dans le bureau de surveillant chef de Caen d'Élie-Saint-Joseph. Ça se passait devant un surveillant. Non, pas de surveillant. Il m'a dit, ouais, je suis Albert Londres, je suis reporter de Petit Parisien, et je viens vous demander si vous avez quelques réclamations à faire au point de vue administratif. Il a dit, je ne prends que les réclamations administratives, je ne m'occupe pas des affaires judiciaires. Il a dit. Alors, moi, c'est là qu'il m'a demandé si je pouvais, comme j'étais cuisinier, si je pouvais lui donner quelques renseignements au sujet des vivres. Je l'ai documenté là-dessus, sur le cachot surtout. C'est d'ailleurs moi-même qui l'ai aidé à voir beaucoup de choses, qui ai fait ouvrir les portes de cachot à Saint-Joseph. Je lui ai fait voir, moi, les manilles, les barres de justice dans les cachots. Est-ce que cela a servi à quelque chose ? Ouais, je pense, puisqu'il y a eu de suite des modifications. On a d'abord supprimé les fers. Et ensuite, on a donné un peu plus de vivres, vous savez, pour les travailleurs. On a augmenté la ration. Sur le chemin du retour, on a fait un petit détour pour discuter avec Florise, sa fille, qui revenait de Chine en bateau. Eh bien, chère Madame Albert Londres, je prends la parole avec vous aujourd'hui parce que je crois être un de ceux qui ont le plus connu votre père. Oh, mais je le crois aussi. Eh bien, voyez-vous, ceux qui bouclaient comme ils le faisaient autrefois, leurs valises en peau de cochon, ouais, c'est le mot qu'il employait, sont devenus de plus en plus rares. Parce que lui, je crois qu'il n'a jamais pris l'avion. Non. Il prenait toujours le paquebot. Non, mais ce n'était pas très à la mode. Ben, mon père est mort en 1932, alors... Nous nous souvenons tous de sa mort tragique, c'était sur le Philippard. Et puis, non, je ne sais pas s'il aurait beaucoup aimé l'avion. Et ce qu'il aimait dans le voyage, c'était les longues traversées, les voyages qui duraient 3 ou 4 mois, n'est-ce pas ? Il n'aimait pas aller vite. Son grand principe était un reportage par an. Hein ? Oui. Et il partait généralement au début de l'hiver. Dans les mers chaudes, oui. Nous préférions passer l'hiver il au soleil. Il rentrait en mars ou avril, et alors il allait dans une campagne quelconque de France ou dans un petit coin charmant. Et nous allions tous avec lui, hein, et il allait travailler là, il allait faire ses articles pendant 3 mois. Et pour notre dernière escale, on s'est demandé où Albert Londres serait allé, s'il était en vie, aujourd'hui. Il est un peu notre internet à nous, partout et nulle part en même temps. Cette semaine, sa connexion est au pays du Chicon. Michael, c'est à vous, Michael. Eh oui, je suis Edouard. Eh bien, écoutez, ici, la Belgique en est à son 100e jour sans gouvernement. Alors, pour faire un petit peu le point, je suis aux côtés d'une citoyenne belge prise au hasard. Bonjour, madame. Bah, écoutez, c'est le moment de faire le point. 100 jours sans gouvernement. Oui, bah, tout va bien. L'ambiance est bonne. Les gens sont gais. La frite n'a rien perdu de son croustillant. La bière coule à flot et est toujours aussi pétillante. En gros, je dirais, les gens, nos voisins, auraient intérêt à voir ce qui se passe à côté et à prendre l'exemple de ce qui se passe chez nous. Bien belle leçon de vraie démocratie, donc. Michael Kull, en direct de Bruxelles. Merci beaucoup Flora Bernard pour cette évocation du prix Albert Londres qui est au journalisme ce que le prix de l'essence est à Jean-Pierre Pernaut. Mais s'il est l'heure pour nous d'autres actualités, celles locales et foutraques de notre décrochage régional, direction Gros Boule-les-Bains. Monique est amnésique. Maman Comment vous appelez-vous, vous ? Jean-Claude. Ça vous va, c'est fou. Alors maintenant, toujours en direct du Morgin Palace, rejoignons notre petit village semi-rural de Grosboul-les-Bains où nous attendent Monique, la charrue, et Jean-Claude avant les bœufs, donc Jean-Claude et Monique. Car dimanche dernier, figure-toi que Jean-Claude sirotait une petite binouze au café Les Bons Amis où se tenait une réunion plénière de la section grosboulaise de la FNSEA, la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Les céréaliers du coin étaient en effet en pleine effervescence et Jean-Claude s'est enquis de la raison de cette réunion. Alors l'agriculteur orateur lui en a donné l'explication. Vous serez d'accord avec moi, hein, pour admettre que tout fout le camp. Tout fout le camp, où ça? Chez moi? Attention, hein. Mais pas chez vous. Chez vous tout fout le camp. Hein, mais c'est pas la question. Bon, je parle de nous. Nous, qui nous? Ben nous autres, quoi, le monde paysan. Ah bon, qu'est-ce qu'il a, le monde paysan? Le monde paysan, il a, qui est en train de se le faire mettre jusque-là par le gouvernement. Voilà ce qu'il a. Bon, si on continue à rester calme, ils vont croire qu'on roupille. Et ils vont nous le mettre deux fois plus. Alors c'est parti, hein, révolte, voilà. Non, mais ça c'est bon, mais ça je connais bien déjà. Il n'y a pas besoin de me faire tout votre cirque, là. Mais non, justement, hein, cette fois-ci, avant de gueuler, on va essayer un truc nouveau, hein. Bon, ça fait deux semaines que ça me travaille. Un truc nouveau. Oui, un truc nouveau, oui. Hein. Écoutez celle-ci, hein. On va essayer, bon, avant d'aller gueuler, hein, de bien définir pourquoi, hein, qu'on gueule. Pourquoi qu'on gueule? Et effectivement, demande Jean-Claude, pourquoi les céréaliers sont-ils en colère? Car pour Jean-Claude, il s'agit là d'une profession difficile, certes, mais qui a grassement profité ces dernières années de la flambée des prix des céréales avec des aides européennes, qui plus est. Mais là, l'agriculteur corrige aussitôt Jean-Claude. Moi, vous savez, je suis un pauvre paysan, hein. Je fais un peu le blé. Moi, qu'est-ce que j'ai comme blé? J'ai rien, j'ai pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai comme blé? J'ai peut-être dans les 80-85 hectares de blé, quoi, pas plus. Mais ça paye pas. Le blé, ça paye pas. Ça a eu payé. Mais ça paye plus. Et en effet, le céréalier explique à Jean-Claude que les prix des céréales se sont effondrés. Quand la tonne de blé était payée 270 euros en 2007, elle est tombée aujourd'hui à 110 euros, une baisse de 170%. C'est intenable. D'ailleurs, les agriculteurs vendent en dessous de leur prix de revient et ça ne pourra pas durer longtemps sans que l'agriculture française ne s'effondre. Et puis, à y regarder de plus près, le taux de suicide chez les paysans est angoissant, avec près d'un macabé par jour. Ça fait flipper. Complètement convaincu, Jean-Claude décide alors d'accompagner les céréaliers pour le défiler en tracteur dans les rues de Paris. Car Jean-Claude, le tracteur, c'est son bolide de prédilection. Je n'ai besoin de personne en masse et Ferguson. Je ne reconnais plus personne en masse et Ferguson. J'appuie sur le starter et voici que je laboure la terre. Je ne reconnais plus personne en masse et Ferguson. Jean-Claude s'imagine déjà dans la cabine de son bolide pour défiler à la tête des milliers de tracteurs dans Paris afin de porter les revendications des céréaliers. Il demande alors à la cantonade, dans cette réunion d'agriculteurs en colère, quel sera son rôle dans les rues de Paris et surtout qui va lui prêter un tracteur. Toi, tu restes au milieu de la route avec le tracteur. Si quelqu'un arrive, tu le bloques le plus longtemps possible. Tu klaxonnes tant que tu peux pour m'avertir. Moi, je préviendrai Julien. Non, moi je ne peux pas risquer la vie de mon tracteur. Mais tu risques rien, Yves. Je risque mon tracteur. C'est pas un jouet, un tracteur. C'est un instrument de travail, un tracteur. Mais il n'est pas question. Il est question de mon tracteur. Il est tout neuf, ce tracteur. J'ai même pas fini de le payer. Moi, je veux pas qu'on lui fasse du mal à ce tracteur. Un tracteur, c'est un tracteur, c'est pas... Bon, je te prête mon manteau. Eh ben, moi, je prêterai pas mon tracteur. Un tracteur, c'est personnel. C'est personnel, un tracteur. Bon, tout le monde a compris que Jean-Claude allait être un gros boulet dans ce défilé tracteurisé des céréaliers à Paris. Du coup, Jean-Claude a été installé en silence dans une ensileuse pour ce long voyage vers Paris, car à 40 km/h, l'expression « regarder le paysage » prend tout son sens. Et Jean-Claude s'est laissé aller au sommeil, bercé par le ronron des moteurs de tracteurs partis de Grosboul vers Paris. Quand mardi, au petit matin... Oh, t'es arrivé ! Hein ? Arrivé où ? T'es à Paris ! Vous êtes ben de sacrés menteurs. Parce que moi, je connais Paris mieux que tout le monde. La preuve. Quelle est la tour Eiffel ? Eh ben, en s'en revenant, on passera par le Champ de Mars et puis on te la montrera. Ouais, eh ben les champs, je les connais. Celui du Père Catole, celui de Fatouillou et celui de Mars, il m'apprendra rien. Ce que je veux voir, c'est pas un champ, c'est la tour Eiffel. Mais que tout le monde se rassure, Jean-Claude a bien vu la tour Eiffel après avoir défilé avec les 1500 tracteurs débarqués à Paris. Et ce défilé fut une expérience admirable pour Jean-Claude au milieu de ses amis céréaliers. Notre torture, c'est la tourtelle, et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Notre torture, c'est quoi ? C'est la tourtelle, et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Notre torture, c'est la tourtelle. Et on va t'en faire boire jusqu'au bout de l'ennui. Céréales, killer, buveur, guerre en série. On se gorge, torche, doublon et de malt, whisky, céréales, killer. Les schminkers sont fous, on laisse que des... Céréales, killer, buveur, bière en série. On se gorge, torche, doublon, malt, whisky, céréales, killer. Les schminkers sont fous, on laisse que des cadavres. Alors bien sûr, après ce défilé des céréales killer, mardi à Paris, Jean-Claude est rentré à Grosboul-les-Bains. Mais depuis, comment dire, il n'est plus tout à fait le même quand il va siroter sa binouze au café Les Bons Amis. Bonjour monsieur. Salut Charles. Tu peux garer mon Massey Ferguson s'il te plaît ? Ok. Salut Hermine. Salut. Alors ça y est, toi aussi t'as adopté le look Bayrou ? Ouais. Ça me va bien, non ? T'es superbe. Et t'as vu mon nouveau tracteur ? Le jaune, garé en double fil, il est à toi ? Ouais. Génial. Superbe aussi ton tailleur Simone Veil. Ça te va hyper bien. Merci. Par contre, toi, ton polo ouvert au dernier bouton, c'est pas très UDF, mon chéri. Oh, zut. Bon, on dîne ensemble, un de ces quatre ? Jeudi, 19h. C'est un peu tard pour moi. Disons 18. Ok, je passe te chercher. Parfait. Bye. Bye. Voilà. Jean-Claude est devenu l'ami des céréaliers gros boulets. Il ne lui reste plus qu'à partir à la découverte des autres métiers de l'agriculture, sans doute pour mieux comprendre ce que signifie de manière éclatante la notion de disparité de revenus. Et puis, pour terminer, voici un élément apporté au débat pour mieux comprendre ce malaise du monde agricole qui se sent abandonné par le gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture, a essayé d'appeler la FNSEA. Pour le dialogue, ce n'est pas gagné. Allô ? Oui, bonjour madame, c'est monsieur le maire à l'appareil. Qui c'est qui est à l'appareil ? Monsieur le maire à l'appareil. Comment ? Monsieur le maire. Comment ? Le maire. Oh, c'est malheureux d'être sourd. Hein. Oui, mais je ne suis pas sourd. Vous n'êtes pas sûr ? Non, je ne suis pas sourd. Ben oui. Comment ? Bon, au non. revoir. Non, non, allô, allô, allô, oui. Allô. Allô ? Oui, vous m'entendez ? Je suis monsieur le maire. Vous êtes le maire ? Voilà. Ah. Allô ? Allô ? Allô ? Oui. Vous m'entendez ? Hein ? Bien. Après avoir pris conscience de l'ampleur du dialogue de sourds entre le monde paysan et Bruno Le Maire, ministre de l'Agriculture, il est temps dès à présent à 11h43, toujours en direct du Mangin Palace, de retrouver notre petit reportage Made in Panic. Et ce matin, dans le dictionnaire imaginaire de Monsieur Julien Dugast, le mot qui compte triple est un acronyme au pluriel, à savoir les bobos. Pourquoi ? Eh bien, primo, rien à voir avec la castagne, mais plutôt avec le 10e anniversaire de l'apparition de ce terme étrange. Dans notre langage courant, une fusion antagoniste inventée en 2000 par le journaliste du New York Times, David Brooks. Et pourtant, dès 1885, dans Bel Ami, Maupassant écrivait ceci « Ce fut elle alors qui lui serra la main très fort, très longtemps, et il se sentit remué par cet aveu silencieux repris d'un brusque béguin pour cette petite bourgeoise bohème et bon enfant qui l'aimait vraiment, peut-être. » Ainsi, en compagnie du sociologue Nicolas Herpin, découvrons ensemble plus en détail, juste après la virgule, les ingrédients de cette curieuse classe sociale que sont les bobos. Avec les lettres W, Q et T, je forme le mot WACT. Consonne au carré, voyelle au carré, bobo. On dit bobo. En fait, les deux renvoient dans deux directions différentes des deux bobos. Il y en a un qui en renvoie vers bourgeois et l'autre qui renvoie vers bohème. Et justement, le phénomène bobo est précisément le fait qu'il n'est pas homogène et qu'il s'oriente précisément dans deux directions, d'une part d'une bourgeoisie jeune et nouvelle et d'autre part une recomposition des milieux bohèmes. Bobo, on a tous des bobos, des petits et des gros, on est plein de bobos. La plupart du temps, des deux côtés, on a une origine géographique qui est identique. Ce sont des gens qui sont des urbains. Bobo, c'est un couple, un bébé, poussette, trois roues. Et toujours, c'est le mec qui pousse la poussette. Et la femme, elle est souvent devant. Bon, ça ressemble à vous, à moi et à tout le monde aujourd'hui, quoi. On vit dans les quartiers artistiques populaires parce que c'est cool. C'est sympa. Ce sont des gens souvent qui sont de milieux relativement favorisés, parfois même très favorisés. Le troisième aspect qui les caractérise, c'est effectivement le phénomène de génération. C'est-à-dire que, en gros, on peut en dire que c'est des gens qui sont autour de 35 ans. Ce sont des gens qui ont en tous les cas terminé leur scolarité depuis un certain temps. Il est indispensable, à mon avis, de retirer toutes les boissons sucrées des distributeurs de l'école et de les remplacer par de l'eau minérale et des jus de fruits sans sucre ajouté. Personne n'a envie d'être qualifié de bobo. Oh, je pense qu'ils en sourient. Je suis d'avis de laisser les boissons allégées. Et vous pensez à nos jeunes filles qui font attention à leur poids. Les plus âgées ont 11 ans. Les régimes, c'est pas indiqué. Vous voyez, le phénomène du boboïsme, c'est un phénomène qui est assez intéressant parce qu'il s'est traduit relativement rapidement. C'est-à-dire que quand vous interrogez par exemple les institutrices de ces quartiers-là, elles disent que la composition de leurs élèves a complètement changé. Elles disent en quelques années, nous avons eu des classes où il y avait des fils d'architectes, des fils d'avocats, des fils de cadres très supérieurs. D'un seul coup, ça s'est produit. Bon, ça s'est traduit aussi d'un seul coup par le fait que les prix de l'immobilier ont complètement changé. On vend tout, que ce soit au rez-de-chaussée ou sous les toits, dans des endroits qui n'étaient pas prévus pour servir d'habitat. Donc là, on est sous les toits. Ça, c'est vendu 220 000 euros pour 50 mètres carrés. Dans un grenier à Paris, dans le 20e. Voilà. Vous avez bien entendu. Pour vous, en tant que sociologue, est-ce que c'est vraiment une classe intéressante ou est-ce que c'est juste une invention de journaliste, ces fameux bobos ? Je pense que c'est un phénomène tout à fait socialement très intéressant. C'est un phénomène très intéressant dont la portée est multidimensionnelle. On a fait référence par exemple à la politique. Après tout, c'est pas sans importance de voir que nous avons une mairie à Paris qui est une mairie tenue solidement par les socialistes. C'est réglé. Merci Nancy Botwin de notre comité Enfance en bonne santé. Alors quant à moi, je prends mes 3T et mes 3X, ce qui donne le mot tic-tic-tic-tic. Oh, l'animal aquatique nocturne. Oui. Oui. Alors, pour compléter un peu ce que nous venons d'entendre, il n'est peut-être pas inutile de souligner que cette appellation « bobo » revêt également désormais un petit caractère péjoratif, sans doute pour culpabiliser cette nouvelle catégorie sociale qui aime les lofts dans les quartiers populaires, les baskets issues du commerce équitable et les courgettes venues des marchés bio. Et il est vrai que c'est parfois un peu ridicule. Néanmoins, attention, car à choisir, vaut-il mieux être « bobo » ou « bling bling » ? Après Apocalypse, la série de France Télévisions sur la Seconde Guerre mondiale avec des images entièrement recolorisées. Découvrez en DVD la nouvelle version d'Apocalypse par TF1 entièrement resonorisée. Année 30, dans la future patrie des Tokyo Hotel, le people Adolf Hitler surfe sur le succès de son célèbre blog Mein Kampf. Le monde se passionne et très vite ça chatte, ça tweet, bref c'est bientôt le buzz, puis le clash. Un commentaire clair et moderne de Nikos pour mieux comprendre la grande histoire. Après la fashion victime Benito Mussolini, c'est le people au look de geek, Hirohito, qui rejoint le clash mondial en organisant le bug de la flotte américaine à Pearl Harbor. Un récit haletant à la portée de tous. Libération de Paris, le public en délire adresse au people Maréchal Leclerc des tonnes de smileys de LOL. On fait même des sextapes. Bref, c'est dans une vraie ambiance Energy Music Awards que De Gaulle lâche ses mots restés célèbres. Paris clashé, Paris bugué, mais Paris LOL. Apocalypse, le second clash mondial, la guerre racontée autrement. Premier DVD de la collection 1933-1939 du Buzz au Clash. J'ai dû faire une bonne occasion ce matin au marché de Saint-Ouen en achetant pour des picaillons un engin qui porte un nom latin. C'est tout en fer et plein de boulons. C'est gentil et ça fait ronron. Ça marche bien, jamais de problème et ça dit. Le bonhomme qui me l'a vendu pour le prix d'un bon kilo de prunes. Ce bonhomme sans l'avoir voulu. Pour deux thunes m'a décroché la lune. Car c'est pratique, ça fait la vaisselle, les petits plats et les bons cocktails. Ça marche bien, jamais de problème et ça dit. Maintenant je vis comme un pacha. Sans m'en faire, je tiens la bonne affaire. Non vraiment, la plus belle nana de la terre ne ferait pas mieux l'affaire. Car ça tricote, ça joue du piano. Ça cause pas, ça lance le tango. Ça marche bien, jamais de problème et ça dit. Quand on a une femme au panier, vrai de vrai, il faut s'en occuper. Par malheur, quand elle vous casse les pieds, il y a des lois, on ne peut pas la tuer. Mais ce bidule, quand il fanfaronne, je te le dévisse, je le déboulonne. Vous voyez, jamais de problème et ça dit. Oui, j'ai fait une bonne occasion ce matin au marché de Saint-Ouen en achetant pour des picaillons un engin qui porte un nom latin. Venu de loin ou de n'importe où, je ne sais pas, d'ailleurs je m'en fous. Ça marche bien, il n'y a qu'un problème. J'y peux rien, je l'aime. Le bidule, ce fut celui de Paul Luca en 1965, un ustensile aujourd'hui plus que jamais indispensable. Nous, quand on regarde la publicité, on est content. Ouais, super, mais quand on regarde la publicité, on a toujours envie de s'acheter un bidule, même si on en a déjà un. Alors maintenant, à 11h52, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami Xavier Mauduit, puisque la panique au Mangin Palace ouvre son petit kiosque à journaux sévèrement fourni. Allô Marcel. Ce que je reproche aux journaux, c'est de nous faire faire attention tous les jours à des choses insignifiantes, tandis que nous lisons 3 ou 4 fois dans notre vie les livres où il y a des choses essentielles. Mauduit, bonjour. Salut Colin. Alors, que nous offre la presse cette semaine, camarade? Ah Philippe, je n'ai trouvé que des bonnes nouvelles dans la presse cette semaine. Ah ouais, pour commencer, la campagne publicitaire lancée par le gouvernement pour bien nous préparer à subir la réforme des retraites, porte déjà ses fruits. C'est super. Les grincheux ont critiqué les millions d'euros dépensés en spots et messages dans les journaux et sur les ondes pour nous faire peur et surtout culpabiliser. Et pourtant, le résultat se fait déjà ressentir. Les gens prennent conscience que chacun peut faire un petit geste pour sauver le système des retraites. Le Parisien de samedi dernier nous apprend qu'à Rouillac, près d'Angoulême, dans une résidence pour personnes âgées, une femme de 91 ans a massacré une plus vieille de 97 ans. Voilà. Ah oui, hein, bagarre, grosse frayeur, crise cardiaque, mais c'est comme ça. Hein. La canicule fait partie des solutions du passé. Les cendres du volcan n'ont pas eu les effets attendus. C'est donc la bagarre entre vieux qui va peut-être sauver nos retraites. Bon, un problème de régler, Philippe, voilà. Alors, sinon, pour mettre fin à une autre tracasserie de ces dernières semaines, l'agence France Presse nous annonçait lundi dernier une initiative heureuse pour occuper les curés sans créer de polémique. Ah. Oui, c'est la 3e édition de la Padre Cup. le championnat de karting des prêtres qui se tiendra à Trappes dans les Yvelines le 7 juin prochain. Voilà, ils pourront chevaucher des petites voitures à toute allure, oui, des petites voitures. Voilà, les fonds récoltés iront au Secours catholique et à une association pour les enfants des rues de Manille. Ouais. Bon, alors sinon Philippe, la presse a bien relevé cette semaine qu'il faut occuper les religieux de tous bords qui s'agitent ces temps-ci, hein, comme c'est pas permis, vous avez vu ça. Oui. Par exemple, le Bangalore Mirror nous présente le cas surprenant de Prahlad Jani, un yogi hindou de 83 ans qui n'aurait rien mangé et rien bu depuis 70 ans. C'est dingue. Ah ouais, tout ça grâce à une force spirituelle qu'il aurait reçue dans son enfance. Alors bien sûr, Prahlad Jani intrigue les médecins qui viennent de placer l'ascète indien en observation afin de voir si, après quelques jours passés sous surveillance et à la diète, il est toujours aussi vaillant ou bien s'il n'est plus dans son ascète. C'est le problème. Non mais c'est dur pour les autres en fait, parce que les autres ils se tapent une choucroute de temps en temps, oui. Et puis lui il casse toute la baraque, quoi. Il dit non, moi rien depuis 70 ans. Philippe, les religieux affirment des trucs et des bidules mais absolument incroyables, qui demandent tout de même parfois quelques petites vérifications. C'est ce que nous apprend cette semaine le nouvelobs.com. Oui. Ah. Depuis l'Indiana, aux États-Unis, une blogueuse féministe a lancé sur les réseaux sociaux de l'Internet un appel aux femmes à arborer leur décolleté le plus provoquant afin de mesurer la magnitude des séismes que cela va entraîner. Oui, alors tout ça parce qu'un ayatollah éclairé, Kazem Zedig, qui est l'imam de la prière du vendredi à Téhéran, oui, c'est bien, hein, c'est un monsieur quoi, mais il avait déclaré le 17 avril dernier que les femmes mal habillées et que l'augmentation des relations sexuelles illicites accroît le nombre des tremblements de terre. Oui, pas moi, tout vient de là quoi. J'attends avec impatience un débat avec Claude Allègre sur le réchauffement climatique. Ça va être énorme. Bon, Philippe, l'appel à afficher des décolletés plongeants a été lancé en début de semaine et depuis, des milliers de femmes de par le monde ont tenté l'expérience. Pas de gros séisme, rien du tout. Alors, je formule une hypothèse. Peut-être qu'il y a eu trop peu de cobayes, hein, qui se sont laissés aller à cette expérience. Et je pense que pour l'avancée de la science, puisque les beaux jours arrivent, il serait scientifiquement pertinent de prolonger et d'amplifier l'expérimentation. Montrons nos uns, c'est que ça tremble tout de suite. D'autant que le Parisien de mercredi titrait dans ses pages Société « On manque de cobayes ». Voilà. Tandis que 3 jours plus tôt, d'ailleurs, le Parisien toujours titrait, toujours dans ses pages Société « On manque de donneurs pour les greffes de visage ». Alors là encore, Philippe, bonne nouvelle pour celles et ceux qui attendent une greffe de la face. Pas besoin, les visages ne sont plus d'une grande utilité hein, aujourd'hui, non. Tout ça grâce à cette fabuleuse affaire de burqa qui est devenue, ou plutôt dont on voudrait faire, notre tracas principal. Évidemment, hein, vous n'avez pas manqué ça, une automobiliste déguisée en apicultrice hardcore qui se fait verbaliser et d'un coup, on nous ressort la terreur de la burqa. Avec bientôt une loi, c'est énorme. Alors, moi, quand j'étais petit, je me souviens, dans la cour de récré, ma mamie, elle me disait « Tu ne réponds pas à la provocation des imbéciles, sinon ça part en vrille. Oui. » Bon, ben là, ça part en vrille. Oui. Alors, d'ailleurs, je dis, dans les pages rebonds de Libération, on trouve un courrier de Latifa Boustraoui-Laurent, que le quotidien présente comme historienne, qui écrit « À la femme en noir ». Et Latifa souligne avec raison un aspect sinistre de ce qui a été monté en affaire d'État. Ce que l'on entend, ce sont les voix tonitruantes des mecs, de l'époux, du ministre zélé, des politiques pressés, des quêteurs de scoop qui se sont entrechoqués dans un duel viril et qui donnent la parole à ce mari dont la seule gloire est l'affichage de ses maîtresses, symbole de sa toute-puissance virile, nous dit Latifa. Effectivement, oui, on n'entend pas la voix de la femme en noir, ni celle d'ailleurs de tous les musulmans qui sont là, tranquilles à la coule et qui se prennent en pleine face l'image que donne de l'islam quelques agités de l'obscurantisme crasse. Alors Philippe, que faire face à ces délires du niqab qui reste une monstruosité? Eh bien, en tout cas, une loi inapplicable ne va sans doute pas conduire ces femmes vers la niqabine d'essayage. Merci beaucoup, Monsieur Bauduit. On vous retrouve la semaine prochaine. Le kiosque referme ses portes.